بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب ما هو آخر باب أخذناه؟ ما جاء في الصبر أو لا لا تنظر ما جاء من الإيمان يعني بالصبر على قدر الله عز وجل. على قدر الله. من الإيمان الصبر على قدر الله عز وجل. في partie de la foi le fait de patienter face au décret divin. Le qadar. نعم. خلاص على الأمور مباشرة. ندخل في الباب الجديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرياء. ما جاء في الرياء. Donc ce qui est venu à propos de l'ostentation. J'appelle ça comme ça, ou la fausse piété. Et alhamdoulilah, on en a déjà parlé dans certaines bêtes précédentes, donc Inch'Allah, on ne va pas s'attarder dessus. L'essentiel a été pris, Neria. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب عقده المؤلف للتحذير من الرياء ورياء مصدر رأى يرائي أي أظهر عمله ليراه الناس فيثنوا عليه ويحصل له رغدا دنيويا أو يسمى بقراءته وتسبيحه أو أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. Donc l'auteur a cité ce bab pour mettre en garde contre Ria. Ria qui est le mazdar de Ra'a Yara'i. C'est le fait de faire apparaître ses actes pour que les gens le voient afin de pouvoir faire son éloge, ou alors qu'il puisse obtenir une chose de ce bas monde, ou alors qu'il se fasse entendre dans sa lecture du Coran ou dans ses afkars comme son tasbih, ou dans son ordre du convenable et son interdiction du blâmable. Enfin, on a dit ria, al farq bayna ria wa sam'a. Ria, ce qui est vu, et sam'a, ce qui est entendu. Et on a dit que celui qui fait du ria, à la base, lorsqu'il fait une ibada, il ne la fait pas. Son but, c'est de il vise Allah subhanahu wa ta'ala, mais il donne une part de cette ibada à autre que Allah pour tenir, pour obtenir, yani, ce qui le satisfait comme thana, aou, ghayr dhalika. C'est pour cela qu'il a pris une part de cette, ce qui revient à Allah totalement, il l'a donné à autre que lui. Mais qu'à la base, ce qu'il fait, c'est pour Allah. Taïb, on avait dit quoi par rapport au ria? Celui qui fait du ria, c'est du Sheikh Akbar? Non, Ashar. Ça peut être du Akbar. Ça peut être du Akbar. Comme c'est le cas de qui? Les munafiqoun. Ils font apparaître l'islam, alors qu'au fond d'eux, c'est le kufr qui le renferme. Ittika shar al-muslimin bi yani fi nazarihim. Pour se préserver du mal des muslimin. Dans ce qu'ils pensent être un mal. Donc eux, leur ria, c'est du ria, c'est le kufr akbar. Car ils ont fait apparaître un acte dont ils n'ont, pour lequel ils n'ont aucune croyance. Après, pour le muslim, Naam, le ria, c'est le Sheikh Ashar. Et on a dit, celui qui fait du ria dans une de ses ibadat, c'est quoi le hukm? Le hukm de la salah? De quoi? De la salah? De la ibadat qu'il fait? Sahih, à qui il n'a pas ça? La kaza? Il a yadfa. La kaza? T'as oublié le tartib qu'on a pris. Kulna el osl que le ria, si jamais il l'a depuis le début de l'action, l'acte est rejeté. Par exemple, je sais pas, il est là, il voit des gens qui sont assis en train de discuter, il dit tiens, je vais faire le salat et je vais bien la faire comme ça, ils vont voir que je suis un abid. Lui, c'est ça, là, t'es d'abord, tu es là. Parce que depuis le début, il s'est levé pour cela. Après, quelqu'un qui est en train de faire un ibadah comme la salat, et Athna as-salat, il voit des gens qui rentrent et Sania elle change. Il veut une part de Sana des gens. Alors qu'à la base, il s'est levé, il n'y avait rien du tout. Donc, quand il a vu les gens qui se mettaient à le regarder, il a commencé à embellir sa salat pour qu'on dise que, masha'Allah, c'est un abid. Donc lui, on a dit, il y a tafsil. Si jamais il repousse le ri'a, Inch'Allah ma fi shay. Et si jamais il perdure dans ce ri'a, alors l'acte en lui-même est invalide. Il est rejeté. Il n'est pas accepté pour dans la smartphone. Car ça peut arriver des fois malgré toi que du ri'a il rentre. Toi, tu dois le repousser. D'accord ? Tu dois faire en sorte que j'ai un neuf sec et tu le repousses. Ada wajibun alik. D'accord ? Le mu'allif rahimahullah ta'ala. وقال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Que dans le sens où il dit que je suis juste un humain comme vous auquel il est révélé que votre divinité n'est qu'une divinité seule, une divinité seule, et celui qui espère rencontrer son Seigneur alors qu'il œuvre de bonnes œuvres et qu'il associe à son Seigneur personne. Ou qu'il n'associe personne à son Seigneur. فَهَذَا مِنْ أَدِلَّتَ الَّتِي تُحَرِّمْ الرِّيَا. Ce verset vient pour interdire le ria. Le shirk sous toutes ses formes et aussi le ria. D'ailleurs, dans l'adoration qu'il fait, il ne donne une part à personne d'autre que Allah. Donc là, on sait que le amal salih, comme le shir le cite, est basé sur des shurut. Tu te rappelles? Pour que ton œuvre soit acceptée. Al-ikhlas ou al-mutaba'a. Donc l'ikhlas, celui qui fait du riya, il a fait quoi? Il a entaché son ikhlas. Même s'il fait un acte conforme à la sunna, son ikhlas, il n'est pas purement pour Allah subhanahu wa ta'ala, son acte, il sera rejeté. Et shir yahi, il a ajouté à l'islam. Imagine demain, un kafir, il vient, il est un peu perdu, il se cherche dans les religions et il veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne sait pas comment faire. Il est sincère. Et un jour, il voit des musulmans faire la salat. Il l'a fait comme eux. C'est-à-dire qu'il vise vraiment Allah et il fait le même geste, c'est-à-dire qu'il fait le geste comme dans la sunnah. Est-ce que sa salat sera acceptée? Ce n'est pas un musulman. Et un kafir peut être mukhlis dans une ibada. Il peut être mukhlis dans une ibada. Mais de façon générale, sa akida n'est pas bonne. ثم قال وعن ابي هريره مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم. Que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens il dit, il y a ce hadith qudsi qu'il a dit, je suis plus riche des shuraka, des associés, et celui qui fait un acte dans lequel il m'associe à autre que moi, je le délaisse lui et son shirk. Ayeb, je le délaisse lui et son shirk. Donc là, ce hadith, lui, vient pour démontrer que l'œuvre, elle est rejetée pour celui qui fait du ria. ثم قال وعن ابي سعيد مرفوعا الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه احمد وهذا الحديث في وهم من المؤلف يعني ما هو عن أبي سعيد بل وعن محمود بن لبيد نعم كي لدي صلى الله عليه وسلم ne vous informerai-je pas de ce qui me fait le plus peur pour vous que du message d'Ajjal. Ils ont dit si au message d'Allah. Il a dit le shirk caché. Et il fait allusion à quoi ici? Au ria. C'est-à-dire que l'homme se lève pour faire une salat et il se met à embellir sa salat lorsqu'il voit qu'une personne le regarde. Donc là, il faut savoir une chose, ce bab là, contrairement à beaucoup d'autres abwab, sur lesquels, alhamdoulilah, le sunni laisse sa garde par rapport au shirk. Les choses dans le shirk, elles sont claires. Wadiha, il ne les fera pas. Biznillah ta'ala. Mais celle-ci peut être amenée, et tout particulièrement chez les salihin, qui évitent toute forme de shirk. Donc, shaitan aura plus, sera plus virulent quant au fait de les attaquer dans leur ibadat pour les annuler. Comme ce genre de situation qui sont ria. Et comme le ciel, le shirk, c'était au début, il dit bien, Masalen, que t'en as, ils font des choses, où on l'avait pris même dans Shahada, il a Da'wa et Shahada, qui était le sixième bab, je me rappelle bien, que tu as des gens, ils font des choses liées à la Da'wa qui sont belles en apparence, qui sont vraies, en but d'obtenir quelque chose, d'aimer des gens, ou d'appeler à leur propre personne. Ça rentre dans le ria. Tamaman. Tu vas le voir dire des choses réelles, faire une carte du munkar sur des choses qui sont vraiment munkara, et sont faire un nombre de ma'ruf qui est réel, pour qu'on dise, lui, regarde-le, c'est un thabit, il est ferme, kaza et kaza et kaza. Et ça, c'est une chose qui peut toucher beaucoup de du'at. Ou mathalan, j'ai un autre exemple, Inch'Allah, il viendra dans le bab suivant, plutôt. Donc, faire attention dans tout ce que l'on fait, que la niya soit sincère pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et que si jamais on sent une chose de ce riya qui viendrait pour nous toucher lors de nos ibadah, il faut la repousser. Et sache une chose, c'est que quoi que tu fasses pour obtenir le sanat des gens, par cette voie-là, tu n'obtiendras que le soukhat d'Allah, comme on l'a pris hier. Et les gens eux-mêmes finiront par voir qui tu es. Allah fera en sorte de déceler ce qu'il y a en toi. Les gens finiront par comprendre que toi tu es un mara'i. C'est quelqu'un qui est là juste pour se faire voir. Tu cherches quelque chose, mais ce que tu cherches n'est pas le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala totalement dans ce que tu fais. Donc là, ce shirk, il est khafi, car tu ne le vois pas. Il est entre Allah et le serviteur. Après, comme on l'expliquait, il se peut que Allah, pour cette cause de ce riya que tu fais, donne des indices aux gens, leur démontrant que ce que tu fais là n'est pas sincère. Comme par exemple les contradictions. Tu vas être contradictoire dans certaines choses que tu vas faire. Tu vas interdire des choses, mathalène, à des gens que tu n'aimes pas, et tu vas te taire sur des gens que tu aimes. Par exemple, un tel va faire un acte, tu vas dire, il y a foulaine, il y a haram, wa kaza, wa kaza, wa kaza, tu fais un rod sur lui. Réfutation. Avec des adjillah et tout. À côté de ça, tu auras une personne avec qui tu as un intérêt, un profit à prendre de lui, il fera les mêmes erreurs que l'autre, tu vas te taire sur lui. On va dire, pourquoi lui, tu as fait un rod mach à Allah, il lui, avec les adjillah, dans lequel tu dis dedans, je ne peux pas me taire sur le bâti, je suis obligé de parler, c'est plus fort que moi, c'est une ibadah, si je fais ça pour Allah. Et à côté de ton sahib, il fait la même chose, tu te testes sur lui. Si tu fais ça pour Allah, si tu as fait pour lui, fais-le pour lui. Et des fois, c'est vrai qu'on a un dorf dans le wala al-bara. Les gens qu'on aime bien, on aura du mal à avoir cette shidda qu'on pourrait avoir avec les gens qui ne sont pas avec nous, dans des mêmes sujets. Ça, c'est réel. Mais c'est ça, justement, le wala al-bara sahih. C'est que même ton proche, s'il tombe dans une chose qui est marzoura, tu sauras le reprendre comme il se doit. Maintenant, c'est certain que tu ne vas pas te comporter avec un salafi qui aura commis une erreur et un sahib hawa qui, lui, est connu pour son égarement et ce qu'il fait, c'est volontaire. Les deux ne sont pas égaux, billah shak. Donc, pour revenir au hadith de Mahmoud ibn Labid, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait plus peur pour eux du Riya que du Messie Dajjal, qui pourtant est, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de fitna plus grande depuis la création de Adam que celle-ci. Et pourtant, il a plus peur pour nous du Riya. Car le Riya est une chose, le Messie Dajjal, il a mis des signes. Et bizna ta'ala, des lieux dans lesquels il ne pourra pas rentrer. Et des gens ne seront pas touchés par son mal. Mais le Riya, tout le monde y est exposé. Tout le monde y est exposé. طيب on va prendre les masaïl qui sont liés à ce bab. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير آيات الكهف تفسير du verset 2 la caverne الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخلوا شيء لغير الله qui montre que l'œuvre pieuse est rejetée si jamais elle est entachée par une chose يعني dans ton intention que tu vises autre que Allah سبحانه وتعالى الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى qui montre la chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas ton acte, c'est que lui il a la richesse parfaite, c'est-à-dire tout lui revient à lui, tu ne peux donner autre que lui ce qui lui revient à lui, sinon il n'accepte pas. الرابعة أن من الأسباب أنه خيل الشركاء également qu'il est normalement c'est أغنى الشركاء le plus riche des شركاء. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. La peur que le prophète صلى الله عليه وسلم éprouvait pour ses compagnons par rapport au رياء. السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل إليه. Il expliquait cela. Le رياء c'est quoi? Que cet homme se lève pour Allah. Et cependant, lorsqu'il voit les gens qui le regardent, il embellit sa salat. Ça, c'est du ria. Il y a un seul ria. Mais le ria, c'est un mot qui est âme. Et le ria peut être du shirk akbar et peut être du shirk asghar. Là, il vit celui qui est asghar. Mais peut-être akbar comme les munafiqoun. Yura'una an-nas. Ce qu'ils font, le font pour être vus par les gens. Et eux, leur ria, c'est le kufr akbar. Tout ce qu'ils font comme islam, aslan, c'est du batil. Ils ne sont pas sincères. Naam. Donc attention aussi au ria, qui est une chose qui est très dangereuse et qui est vraiment, vraiment minime, c'est-à-dire tu ne la vois pas. C'est une chose qui est minime, tu ne le vois pas. Et personne n'est à l'abri d'être touché par cela. Wal'a'adhu billah. Tayyib. Nawasil fil bab alladhi ba'dahu yata'arraq bin nafs al-mawdu'. Sujet d'après. Le bab d'après qui est sur le même. Qui est lié à cela? Wa huwa babu min ash-shirki iradat al-insan bi'amalihi ad-dunya. Qui fait partie du shirk que la personne cherche par ses actes. La dunya. Donc ça revient, c'est du ria. Par exemple, c'est du ria. Donc le shirk le dit dans le mukaddima. Al-shirk nu'an, ma'louf. Akbaru wa asgharu. Wa za kod yakunu min al-akbar taratan wa yakun min al-asghar. Fa iza arada bi islamihi wa dukhulihi al-din al-dunya fa hada shirkun akbar. Kal munafiqin. Fa hum fi al-dark al-asfal min al-nar. وتارة يكون أصغر كمن يري بقراءته وأمره ونهيه ويجاهد لأجل الغنيمة ليس لله وهو مؤمن مسلم ولكن تغرض له هذه الأمور. Donc là il dit comme on vient de dire précédemment que le shirk est de deux catégories, tu sais, Asghar ou Akbar, et le fait de rechercher justement la dunya par tes actes pour entrer dans l'un ou dans l'autre. Si jamais par ton islam tu veux par cela la dunya, c'est-à-dire tu rentres en islam, est-ce que tu as un intérêt à prendre? Ça, c'est quoi? C'est du ashar. Du akbar, afin. C'est du akbar, comme ce fut le cas des munafiqoun. C'est du ria. Ça, c'est en ria, ça. Tu fais un acte en apparent pour obtenir une chose de la création. Ça, c'est du ria. En fait, là, c'est un bab qui vient pour fassol le bab qui est avant lui. Donc là, les munafiqoun sont dans le degré le plus bas du feu. Et parfois, ça peut être asrar, comme quelqu'un, là il le cite, qui par exemple qui lit du Coran, ou qui fait le amr du ma'ruf, ou nahy al-munkar, ou qui fait le djihad pour avoir la ghanima. Il ne fait pas cela pour Allah. Alors que lui, c'est un croyant, c'est un musulman. Cependant, pour ces choses-là, ça n'y est à changer. Ça rend dans quoi le bête précédent du shirk asghar. Est-ce que celui qui fait la hijra pour autre que Allah et son messager rentre là-dedans? Dans le akbar, tu veux dire? Dans le asghar. Rentre dans le riya, à la wajil umum. Naam. Naam. Ma'alzam. Quand le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا نَصِيبُهَا وَامْرَأَةٌ يُنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Celui qui fait la hijra pour aller son messager, sa hijra est telle pour aller son messager. Celui qui fait la hijra pour la dunya ou pour une femme qui veut épouser, sa hijra revient à ça. Ça veut dire quoi? Lui qui part, il ne dit pas qu'il fait hijra pour aller son messager. Il dit je vais vivre dans tel pays, pourquoi? Parce que là-bas j'ai du travail. C'est pas du chien, parce que lui sa niya c'est pas une ibada qu'il a fait. La hijra en soi, elle peut être shar'iyya et elle peut être mubaha. Par exemple, demain quelqu'un, il dit, comme le fait dans le sens littéraire, quelqu'un, je sais pas moi, il habite en Algérie, il dit je veux aller vivre au Maroc. J'ai un projet commercial là-bas, je vais aller vivre au Maroc. C'est une migration qu'il va faire, c'est une hijra. Mais ça n'est pas une ibada pour la dunya. C'est pas du riya qu'il a fait, c'est pas du shirk. Quand il a fait ça, je dis, Akhi, il dit, je suis muhajir dans le sens, je suis immigré. Mais c'est pas pour Allah que je suis parti, moi. À la base, je suis dans le pays d'islam, j'ai pas fait la hijra. La tiya, shari'ya. Ah, maintenant, quelqu'un qui te dit, moi j'ai fait la hijra pour Allah et son messager, et en réalité, il a un autre but que cela, naam, lui, il rentre dedans. Donc c'est pas toute personne qui fait la hijra qui forcément fait du riya. Ça dépend ce que lui te dit, lui. Il te fait apparaître que c'est une ibada, classe. Lui, c'est du ria. Il te dit non, moi je suis parti parce que j'ai trouvé un travail. J'ai un peu de travail, je ne suis pas parti. Ma niya, c'est j'ai trouvé un appartement, j'ai trouvé un travail confortable là-bas. C'est pour ça que je suis parti, moi. Donc Shan'an, c'est une. L'oratan, ça s'appelle Hijra, ce qu'il a fait. Mais Shan'an, ça n'en est pas une. C'est pas une ticole. Il n'a pas fait un déplacement du pays de Kouf vers le pays d'islam pour appliquer sa religion et fuir. Non. Il a pu faire un déplacement. Par exemple, demain, tu as des koufars, ils partent des fois dans les pays d'islam. Parce qu'ils ont des facilités ou quoi. On l'appelle muhajir, mais c'est un kafir. Est-ce que c'est un muhajir comme le muhajir musulman qui est parti pour aller au messager? Non. Tu verras même dans les bureaux des jawazettes, bureaux d'immigration, en arabe, il écrit hijra. Taïb. Fahim ta'ala. Thumma qala. Qala ta'ala. Yani fil matn. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها هم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Dit celui qui veut la vie de ce bas monde et sa parure, nous lui donnerons totalement cela en mesure de ses actes. Et eux, leur rétribution ne sera réduite à rien. Ceux-là sont ceux qui n'ont aucune part dans l'au-delà si n'est le feu, et leurs œuvres seront annulées. Non, mais leurs œuvres seront annulées. Le verset en lui-même, il est wadih. Celui qui fait cette dunya, Allah lui donnera ses actes en fonction de ce qu'il a voulu, de cette dunya. Et ce verset, il est pour les koufars, ceux qui ont adoré Allah en vue d'obtenir cette dunya comme les munafiqoun. Donc là, à la wajil umum, ce verset vient pour te montrer que fais attention au fait de faire apparaître une chose de l'adoration pour obtenir des biens de ce bas monde. Après, tu as une masala par rapport à ça, parce qu'il touche aux fonctions religieuses, comme le fait d'être imam dans un masjid, comme le fait d'être muazzin, comme le fait d'être mudarris, relezalika. Ça diffère. Est-ce que tu peux prendre une paye, par exemple, pour ça ou pas? Déjà, si toi, ton but, quand tu fais talab al-ilm, c'est d'avoir un poste pour avoir une bonne paye, t'es dedans les pieds joints. Tu vas à tel endroit pour avoir un diplôme, pour demain être imam, parce que l'imam il est bien payé, parce qu'il a beaucoup d'avantages, t'es dedans les pieds joints. Ou tu veux être professeur dans tel jamia, t'es dedans les pieds joints. Ou tu veux être ministre de je sais pas quoi, mais en te disant que tu n'aies fait ce parcours-là, tu ne pourras pas être ministre. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est quoi ta niya? T'en as, ils font cela pour pouvoir, mesalène, avoir une... Yani une d'être en possibilité de faire da'wah. Car dans leur pays, ils ne peuvent pas. Mais selon dans tel pays, si tu n'as pas une shahada, tu ne pourras pas être imam de masjid. Ni ouvrir les durus. Lui, à la base, il veut ouvrir les durus. Il veut être imam de masjid. Pourquoi? Pour être imam, pour faire pour la da'wah. C'est ça son but. On lui dit non, dans tel pays, si tu n'as pas une shahada de tel endroit, tu ne seras jamais imam dans un masjid. Il dit, khalas, je vais aller étudier pour avoir une shahada. En but de quoi? D'être imam de masjid pour pouvoir faire da'wah. À la base, il faut l'ilm. Tu vois? Mais sur l'ilm, tu ne pourras pas le propager. Donc, il va étudier dans une jamia, tant qu'il n'y a pas de mukhalafa. Mais ça n'y a juste l'ilm, c'est pour Allah. Et la shahada, c'est juste un moyen, une wasila. Comme a dit, an al-wasail tahouz hukm al-maqasid. Les moyens prennent le jugement des objectifs. Et lui, il veut un objectif sincère pour Allah. Mais on lui dit, tu ne pourras pas le faire sans cette chose-là. Donc il dit, ah, je vais prendre une shahada. À la base, moi, je voulais faire talab al-ilm. Et s'il faut que je passe par là, je passerai par là. Donc lui, il va prendre son diplôme. Son diplôme, il n'en a rien à faire. Le diplôme, il va dire, c'est pour vous la dawla. Les États, ils veulent un diplôme. Tenez, le diplôme, moi, j'en ai rien à faire. Ça ne change rien auprès d'Allah. Diplôme, pas diplôme, j'ai appris ce que je voulais. Je le propagerai, Inch'Allah. Lui, il n'y a pas. Mais celui, bon, le but, c'est d'en tirer un salaire, d'en tirer un statut. Et comme on a dit, les avantages, là, c'est autre chose. On lui dit, l'imam dans tes pays, il est payé telle somme, 3000 euros par mois. Il dit, oh, mashallah, khalas, je vais prendre le Coran pour être imam dans le masjid. Tu vois, c'est quoi qu'il a fait, lui? Il a fait ça parce qu'il a entendu la paye qu'il y avait. Il est parti dans tel pays à prendre le Coran, vite fait, par cœur. Il revient, je suis imam. Tu vois, je suis imam. Et tu ne donnes pas sa paye, il fait, c'est bon, ça ne m'intéresse pas. Et ces gens-là, tu vas les voir dans leurs actes, que leur but, c'est la dunya. C'est pas le takarrub ila Allah. Également, prendre des salaires dans ce que tu fais, dans les choses liées à la da'wah. Si jamais c'est un salaire qui est pris de au bait el mal, l'argent des moussibines, l'argent am, tayyib, ça c'est une chose m'affichée. Les ulama disent. Par exemple, l'État, ils disent, nous on paye les imams. Faut que tu sois là toutes tes salawat, au fajr, au dhor, au asr, au maghrib, au isha. T'es là tout le temps. C'est ta fonction, t'es imam. Et l'État te paye. Donne une paye pour cela. Si tu la donnes de même, tu l'as réclamé, m'a affiché fait là. Maintenant, toi, tu viens, tu dis, je suis imam, vous me payez en échange, par exemple. Ça, c'est une chose qui n'est pas agréée en religion. Ou quelqu'un qui veut être professeur, il dit, moi, je donne cours aux frères, s'ils me payent. Il y a des ulama, ils disent, il y a un tafsir comme ça arrivé par certains salafs, comme Muhaddith, il avait une grande famille. Et il était très pauvre, il n'avait aucune entrée d'argent. Donc il faisait quoi? En échange du hadith, il prenait une paye. Et en plus, il prenait quelque chose de vraiment très bas. Une paye minime, il prenait. Quand même, et les ulama ont pris de lui quand même. Son hadith, ils l'ont cité. Imam Ahmed, Imam Bukhari, ils ont cité cet homme-là. Ils ont dit, lui, excusez pourquoi, parce qu'il avait une raison de faire cela. Il n'avait pas d'argent, il avait une grande famille, il avait beaucoup de sciences dont les gens avaient besoin. Et si jamais il aurait laissé cela pour travailler, on aurait perdu de cette science. Donc le ulama, lui, pour lui, ils ont dit, dans son cas à lui, c'est permis. Mais à la base, l'imam Ahmed Massalan, il dit, celui qui prend une paye en échange du hadith, la taktoub binho. Tu n'écris pas son hadith à lui. Pourquoi? Car tu ne sais pas s'il va pas acheter un hadith pour prendre de l'argent. Et la science, ça ne se vend pas. Donc à la base, une chose, elle est makro. Chez les salafs, c'était un salaf de jarh. C'est pas ijma. Il y a un khilaf, c'est pas ijma. Et les cas pour qui il y a eu exception, ce sont des gens qui déjà avaient un grand niveau de science, dont on avait besoin, qui étaient des gens qui étaient très pauvres. Et ils se consacraient totalement à ça. Alors qu'aujourd'hui, tu as des gens, ils peuvent, s'ils veulent, avoir des aides de l'État. Ils peuvent travailler à côté. Ils font quoi? 2 ders par jour. Le reste du temps, tu peux travailler si tu veux. Surtout dans des pays comme la France. Ne dis pas que tu es en situation où genre, j'ai rien à part ça. C'est pas vrai. Il y a plein de façons de pouvoir avoir. Maintenant, si les gens viennent, disent toi, Foulen, tu es un moustafide. On veut que tu nous libères ton temps pour nous enseigner à nous et à nos enfants. Et nous, on te donne de l'argent de nous-mêmes. On te paye de nous-mêmes. Sans que lui le conditionner. Mashtarata alayhim. Quand elle est anama ou dare silibi ujra. Les gens viennent nous voir et disent, ahi, nous, on voudrait que tu nous fasses profiter, tu nous enseignes, tu te consacres à cela. Et on te paye pour cela. Tous les mois, on te donne telle somme. Est-ce que tu es d'accord? Il dit, naam, ma vie, voilà, j'ai. Il n'a pas demandé, lui. C'est les gens qui l'ont proposé. Et c'est même une bonne chose, on encourage les frères à faire cela. Chacun se cotise un peu à Kaza et Kaza et on donne de l'argent à ce frère-là, qui fait d'avoir dans tel pays. Et il se consacre à la da'wa. Il donne des doulous aux enfants, aux adultes, aux sœurs, et kaza et kaza. C'est ça son, sa fonction, réellement. Mais il le fait pour Allah, à la base. Et les gens lui ont proposé de l'aider. Azam affiché, kaza alik. Mais il ne faut pas que ce soit lui qui dise moi. Un frère, il débarque, il dit moi, je donne des cours de Bassalène, de Aqida, 30 euros par talib. Ceux qui ne payent pas, il n'y a pas de ders. Ça, c'est mazmoum jiddan. Jiddan, jiddan. Il vient, déjà, le ders qu'il donne, plein d'autres peuvent le donner. Tu peux le trouver ailleurs. Plein de dourous, plein de frères qui ont le moustawa qu'il a. Ce n'est pas Cheikh Islam, le frère. Donc, il n'est pas indispensable. Et en plus, il dit moi, ceux qui ne payent pas, il n'y a pas de ders. C'est-à-dire, si on ne paye pas, il ne donne pas de ders. On craint pour lui de tomber dans ce marvour. Maintenant, demain, il y a une école privée qui s'ouvre, un institut, une jamia. Ils veulent des professeurs, ils les payent. C'est l'institut qui te paye, c'est pas les toulèbes qui te payent. Ça, c'est autre chose. Tu dis, nous, on veut un tel dans la akida. Tu es une prof dans la akida, toi. Il dit, d'ailleurs, je suis prof, on te paye tant par mois. C'est pas lui qui dit aux toulèbes, payez. Et de ce genre-là, je prends ma paye. Non, c'est pas ça que c'est passé. C'est un institut privé qui prend ses fonds, je ne sais pas d'où, peut-être de l'État ou je ne sais où, ou des Mutasad Diakin qui donnent, pour que la darwa se propage, comme c'est le cas dans les Jamiat. Les profs qui payent une paye, après, ils ne sont pas blâmés pour cela. Mais il est certain qu'à la Zahir, Aslan, Al-Baraka, Fil Masajid. Et Tafalada Lillah, Iwajillah, dans le Masjid. C'est ça la tariqa des salaf. Dans le masjid, Moudarris, il fait tout cela pour Allah, il ne prend pas de paye. Il n'est pas payé pour cela. Ou al-baraka fi hada. Al-fad fi hada. Et tahtasib al-ajr indallah. Et Allah, il ne va pas te perdre. Ton risque t'est écrit, tu ne vas pas te perdre. Tu fais une chose qui est une ibada, sincèrement pour Allah, et qui est une maslaha amma pour les musulmans. Tu penses qu'Allah, il va te perdre? Il ne va pas te perdre. Il ne va pas te perdre, inshallah. لأن قال ما اجتمعكم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدرسون فيما بينهم qu'un peuple ne se réunit pas dans une maison d'Allah, c'est dans les masajid, pour lire le livre d'Allah et l'étudier entre eux, voyez, sans que les anges ne viennent et que la miséricorde les recouvre, et akaza yakaza fait le hadith. Le hadith il dit bien quoi? في بيوت الله. D'ailleurs, les harakats de ilm dans les masajid, c'est ce qu'il y a de meilleur. Il y a plus de baraka dedans que dans autre chose. Tu verras des gens, tu dis dans les marakis, dans les masajid, apprendre et assimiler beaucoup plus vite que des gens dans des jamiat, qui sortent avec des diplômes. Et en plus, les ulama disent bien que dans les masajid, ta niya est plus amené à être sincère pour Allah, car tu n'as rien derrière. Tu n'as pas de paye et tu n'as pas de diplôme. Contrairement à ceux qui vont dans une jamia qui veut un diplôme. Tu seras plus mukhlis bizna ta'ala. Mais on ne dit pas que toute personne qui va en jamia, il n'est pas mukhlis. Ce n'est pas ça qu'on dit. Mais on dit, c'est une chose, un beb qui t'amène à t'exposer au riya plus et à vouloir la dunya plus que les autres. Mais des gens dans les masajides, ils ont ça, cette niya-là, de revenir dans leur pays. Khalas, c'est moi le da'i d'Allah. Je suis dans tel endroit, j'apprends, je reviens dans mon pays. Khalas, c'est moi le marji'a. Ça, c'est une mauvaise niya. Elle rentre dedans. Elle rentre dedans. ثم قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميرة إذا أعطي رضي وإن لم يعطى سخط تعيس وانعكس أو انتكس وإذا شك لا انتقش توبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله نعم أشحث رأسه مغبرة قدامه إن كان في حراسة كان في حراسة وإن كان في ساقة كان في ساقة وإن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم شفع. Donc selon Abu Huraira, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que périsse le serviteur du dinar, c'est-à-dire c'est l'or, que périsse le serviteur du dirham, c'est-à-dire l'argent, que périsse le serviteur de al-khamisa. Al-khamisa, c'est un vêtement que portait les gens nobles, de haut rang, sans image, vêtements somptueux. Taïsa Abd al-Khamira. Al-Khamira, c'est une forme de meuble, comme un divan ou un lit luxueux. Lorsqu'on lui donne, il agrée. Lorsqu'on ne lui donne pas, il est en colère. il a dit que ses projets, c'est-à-dire ce qu'il entreprend, n'aboutissent pas. C'est un droit contre lui. Que ce qu'il entreprenne n'aboutisse pas. Que si un ministre soit piqué, même par une aiguille, qu'il ne puisse la retirer. Qu'il ne trouve personne pour la retirer. Et quelle bonne chose pour le abd qui prendrait fermement les rênes de son cheval, fils Abilillah, qui en poussière ses cheveux, ainsi que ses pieds, c'est-à-dire fil djihad. Et lorsqu'on le met en hirasa, c'est-à-dire dans la garde, il fait la garde. Lorsqu'on le met en arrière-garde, il fait l'arrière-garde. Il fait son poste, il fait son travail. Et si jamais il demande la permission, on ne l'autorise pas. Si jamais il demande où il fait l'intercession, elle ne lui est pas accordée. Donc là, il vise par là qui les gens qui sont soumis au bien de ce bas monde. Comme l'a expliqué, les gens qui font les choses liées à la religion pour en tirer des biens de ce bas monde. D'autorité ou de l'argent, ou les alika. Donc ils sont des ibad. Il est soumis à l'argent. Il est soumis au bien matériel. Son but est d'avoir, par exemple, une bonne paye, une bonne maison, une bonne situation. Lorsqu'on lui donne, il est content. Il est heureux, satisfait. On ne lui donne pas, il se met en colère. C'est-à-dire que ce qu'il fait, ce n'est pas pour Allah. Sinon, il ne se mettait pas en colère. Demain, quelqu'un, tu l'appelles pour une khutba jumu'a au masjid. Il vient. Il vise la khutba. Les gens du masjid lui disent, khalas, on va te payer, Inch'Allah. Tu es un bon khatib. Tiens, tant. Il est content. Le jumu'a d'après, il revient. Il dit, je vais faire la khutba. Si tu veux, fais la khutba. Après la khutba, il va les voir, il les regarde. Il attend comme ça et tout. Il dit, khalas, la khutba, elle est finie. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais je veux l'argent. Il n'y a pas d'argent. Il dit, pourquoi pas d'argent? Il dit, on t'a donné comme ça, mais on t'a rien promis, ni rien du tout. Comment et tout? Je suis venu, j'ai fait la khutba, il faut me payer. Il se met en colère. Donc ta khutba, tu l'as fait pour quoi? Tu l'as fait pour Allah ou tu l'as fait pour la paye? La première fois, on t'a payé, t'as jihannak. Quand on t'a donné comme ça, on t'a pas dit 50 entre toi et nous. Que si jamais tu fais khutba tous les vendredis, on te paye. Il dit, je fais plus de khutba. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Allah yaftah alayk, tu vois. Ça, c'est niel et vami majiddan. On n'a pas payé, il n'est pas content, je ne suis pas de la khutba. La khutba, à la base, c'est fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est un rappel pour les musulmans, pour la umma. Là, je parle de quelqu'un qui veut le faire pour qu'on le paye. Attention. Pas quelqu'un qui l'a fait, qu'on l'a payé et l'a pris. C'est pas pareil. Donc le Nabi sallam, il a fait un doigt que cette personne-là, que tous ses projets n'aboutissent pas. D'accord? Que si jamais il lui arrive un mal, qu'il se débrouille. Même une seule aiguille et puis dans son pied, qu'elle reste dans son pied, que personne ne lui enlève. Et il a fait l'éloge de celui qui fait le jihad fi sabilillah, qui prend vraiment les rênes de son cheval, réellement. Au tel point que ses cheveux sont poussiéreux, il n'a pas le temps de se coiffer. Il n'a pas le temps de se mettre bien, se mettre propre sur lui, il n'a pas le temps. Pourquoi il est engagé dans ce qu'il fait, le jihad? Et lorsqu'il fait, on l'attribue un poste, comme le fait de faire la garde, il l'a fait bien, dans son coin. Lorsqu'on le met à tel poste, il le fait bien, dans son coin. À tel point que si jamais il demande la permission pour une chose, on ne lui accorde pas. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un du commun, il est discret. Ce qu'il fait, il le fait pour Allah. Tu ne fais pas attention à lui à tel point que tu crois que c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur. Donc il veut faire des chafara pour quelqu'un, il dit non, il n'y a pas de chafara pour toi. Tu n'es personne, toi. C'est-à-dire, ce qu'il fait, il le fait avec sérieux et engagement, et fidélité, et loyauté. Mais aux yeux des gens, il n'a pas de valeur. Donc là, le Nabi Sarasalim, il a fait son éloge à celui-là. Inch'Allah. Combien tu les vois font cela, des choses dans le khayr, et aux yeux des gens, ils n'ont pas de valeur. Pourquoi? Parce qu'un tel, il n'a pas étudié à tel endroit. Un tel, il n'a pas de diplôme. Un tel, il n'a pas s'il n'a pas ça. Donc pour les gens, il n'a pas de valeur. Leur comportement d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve les plus élevés encore. Pour sa sincérité, naam. Et combien de gens qui n'ont pas de diplôme sont bien plus performants dans la da'wah que des gens qui ont des diplômes? Combien? Combien sont des jami'at? Déjà la plupart, il faut dire le haq, ils dévient. Ce qui montre peut-être que leur niyyah n'était pas bonne au début. Et même après, ils n'ont pas pris de tarbiyah dans les jami'at. Ils ne sont pas éduqués. La plupart des profs ne sont pas des gens de la sunna, pour dire la vérité, pour ne pas faire une kalam munkar. Ils suivent un programme qu'on leur impose, comme l'a dit Cheikh Ibn Hizam. Lui ne conseille pas d'aller dans le jami'at par rapport à ça. Tu n'es pas libre. Tu es obligé de suivre le cursus qu'on t'impose. Alors que toi, demain, tu peux avoir autre chose, plus bénéfique. Non, tu marches au Seraïla. Tu as pris le programme dans le hadith, tu suis leur programme à eux. Tu as pris le programme dans le Coran, tu suis leur programme à eux, ainsi de suite. Et tu as le prof, tu ne choisis pas ton prof. Donc ça, c'était le, par rapport à ce bab, le fait de prendre des choses de la ibadah, du din, pour en faire des moyens d'obtenir la dunya. Et cela est du shirk, ça rentre dans le riya. prend les masail. Al-Ula, iradat l'insan et dunya bi amal akhira. Que la personne veut la dunya avec les œuvres de l'au-delà. Tafsir ayat Hud. Tafsir du verset de Hud. Tasmiyat l'insan et muslim abd et dinar wa dirham wa khamisa. Que le musulman peut être appelé comme étant abd, un serviteur de l'or, de l'argent ou des vêtements, c'est-à-dire des biens de ce bas monde. Car il est soumis à eux. Ce qu'il fait, c'est pour les obtenir eux et non pas Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'a tafsir zalika bi annahu in u'tiya radi wa in lam yu'ta sakhat. Et ça va être expliqué comme quoi, comme on le reconnaît celui-là, lorsqu'on lui donne, il est content, lorsqu'on ne lui donne pas, il se met en colère. Là, ce sont ses signes. On ne lui donne pas, il n'est pas content. Il fait une crise. Khamisa, kol, ta'isa, wa intakas. Qu'il périsse et que ce qu'il fasse n'arrive à rien. Sadisa, koluhu, sallallahu alayhi wa sallam, ou zeshika, fala intakash. Que si jamais même une épine venait à le piquer, qu'elle ne soit pas retirée. C'est-à-dire qu'il subisse son mal jusqu'au bout. Sabiha, athana ala al-mujahid, al-mawsouf, bitilka al-sifat. Bitilka sifat. L'éloge qu'il y a sur le combattant. Qui est justement décrit par ses caractéristiques, ce qui est dans le hadith. Il est discret, mais il est engagé dans ce qu'il fait. Il est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. T'en vois plus aujourd'hui qu'ils disent par exemple les gens de Daesh, particulièrement ces gens-là, Nachal ibn Riyah, plein de photos avec plein d'armes. L'autre il se fait sa photo avec sa kalash, une photo en train de faire la salate, dans le désert, je ne sais quoi, plein d'images. Voilà Nachal ibn Riyah, haoula. En ce ils sont dans le Dorel, à cause de cela, on dirait, ils veulent, je ne sais pas ce qu'ils veulent pas dans ce genre de choses. Je vais le montrer, moi je suis Mujahid, je suis le djihad. Le djihad, c'est pas un jeu. Voilà, c'est pas un jeu. Sallallahu alayhi wa sallam. Fabi al-Adal Kod Naktafi, Nakul Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.